le bien des pauvres. Il faut savoir que le curé de Verrières, vieillard de 80 ans, mais qui devait à l'air vif de ces montagnes une santé et un caractère de fer, avait le droit de visiter à toute heure la prison, l'hôpital et même le dépôt de mendicité. C'était précisément à 6 heures du matin que M. Appert, qui de Paris était recommandé au curé, avait eu la sagesse d'arriver dans une petite ville curieuse. Aussitôt, il était allé au presbytère. En lisant la lettre que lui écrivait M. le marquis de la Mole, pair de France et le plus riche propriétaire de la province, le curé Chélan resta pensif. « Je suis vieux et aimé ici, » se dit-il enfin à mi-voix. « Il n'oserait. » Se tournant tout de suite vers le monsieur de Paris, avec des yeux où, malgré le grand âge, brillait ce feu sacré qui annonce le plaisir de faire une belle action un peu dangereuse. « Venez avec moi, monsieur, et en présence du geôlier et surtout des surveillants du dépôt de mendicité, veuillez n'émettre aucune opinion sur les choses que nous verrons. » Monsieur Appert comprit qu'il avait affaire à un homme de cœur. Cette visite dura plusieurs heures. Vers les 3 heures, ces messieurs allèrent achever l'inspection du dépôt de mendicité et revinrent ensuite à la prison. Là, ils trouvèrent sur la porte le geôlier, espèce de géant de 6 pieds de haut et à jambes arquées. Sa figure ignoble était devenue hideuse par l'effet de la terreur. « Ah, monsieur, » dit-il au curé dès qu'il l'aperçut, « ce monsieur que je vois là avec vous n'est-il pas monsieur Appert ?»« Qu'importe, » dit le curé. « C'est que depuis hier, j'ai l'ordre le plus précis et que monsieur le préfet a envoyé par un gendarme qui a dû galoper toute la nuit de ne pas admettre monsieur Appert dans la prison. » Le matin, suivi de monsieur Valneau, directeur du dépôt de mendicité, monsieur de Rênal était allé chez le curé pour lui témoigner le plus vif mécontentement. Monsieur Chélan n'était protégé par personne. Il sentit toute la portée de leurs paroles. Eh bien, messieurs, je serai le 3e curé de 80 ans d'âge que l'on destituera dans ce voisinage. Il y a 56 ans que je suis ici, j'ai baptisé presque tous les habitants de la ville. Verrières est ma famille, mais je me suis dit, en voyant l'étranger, cet homme venu de Paris peut être à la vérité un libéral, il n'y en a que trop, mais quel mal peut-il faire à nos pauvres et à nos prisonniers ? Eh bien, messieurs, faites-moi destituer, s'était écrit le vieux curé d'une voix tremblante. Je n'en habiterai pas moins le pays. On sait qu'il y a 48 ans, j'ai hérité d'un champ qui rapporte 800 livres. Je vivrai avec ce revenu. Je ne fais point d'économie dans ma place, moi, messieurs, et c'est peut-être pourquoi je ne suis pas si effrayé quand on parle de me la faire perdre. Monsieur de Rênal vivait fort bien avec sa femme, mais ne sachant que répondre à cette idée, qu'elle lui répétait timidement, « Quel mal ce monsieur de Paris peut-il faire aux prisonniers ?» Il était sur le point de se fâcher tout à fait quand elle jeta un cri. Le second de ses fils venait de monter sur le parapet du mur de la terrasse et y courait, quoique ce mur fût élevé de plus de 20 pieds sur la vigne qui est de l'autre côté. Enfin, l'enfant, qui riait de sa prouesse, ayant regardé sa mère, vit sa pâleur, sauta sur la promenade et accourut à elle. Il fut bien grondé. Ce petit événement changea le cours de la conversation. « Je veux absolument prendre chez moi Sorel, le fils du sieur de Planche, » dit M. de Rênal. « Il surveillera les enfants qui commencent à devenir trop diables pour nous. C'est un jeune prêtre, ou autant vaut, bon latiniste, et qui fera faire des progrès aux enfants, car il a un caractère ferme, » dit le curé. « Je lui donnerai 300 francs et la nourriture. » J'avais quelques doutes sur sa moralité, car il était le benjamin de ce vieux chirurgien qui avait fait toutes les campagnes de Buonaparte en Italie, et même avait, dit-on, signé « non » pour l'Empire dans le temps. Aussi n'aurais-je jamais songé à mettre le fils du charpentier auprès de nos enfants, mais le curé, justement la veille de la scène qui vient de nous brouiller à jamais, m'a dit que ce Sorel étudie la théologie depuis 3 ans avec le projet d'entrer au séminaire. Il n'est donc pas libéral et il est latiniste. « Tu approuves donc mon projet, » dit M. de Rênal. « Allons, voilà qui est décidé. » « Bon Dieu, mon cher ami, comme tu prends vite un parti. » C'est que j'ai du caractère, moi, et le curé l'a bien vu. Ne dissimulons rien, nous sommes environnés de libéraux, ici. Tous ces marchands de toile me portent envie, j'en ai la certitude. 2 ou 3 deviennent des richards, eh bien, j'aime assez qu'ils voient passer les enfants de M. de Rênal allant à la promenade sous la conduite de leur précepteur. Cela imposera. Cette résolution subite laissa Madame de Rênal toute pensive. C'était une femme grande, bien faite, qui avait été la beauté du pays, comme on dit dans ces montagnes. Elle avait un certain air de simplicité et de la jeunesse dans la démarche. Aux yeux d'un Parisien, cette grâce naïve, pleine d'innocence et de vivacité, serait même allée jusqu'à rappeler des idées de douce volupté. Si elle eût appris ce genre de succès, Madame de Rênal en eût été bien honteuse. Ni la coquetterie, ni l'affectation n'avaient jamais approché de ce cœur. Monsieur Valneau, le riche directeur du dépôt, passait pour lui avoir fait la cour, mais sans succès, ce qui avait jeté un éclat singulier sur sa vertu, car ce monsieur Valneau, grand jeune homme, taillé en force, avec un visage coloré et de gros favoris noirs, était un de ces êtres grossiers, effrontés et bruyants, qu'en province on appelle de beaux hommes. Madame de Rênal, fort timide et d'un caractère en apparence fort inégal, était surtout choquée du mouvement continuel et des éclats de voix de monsieur Valneau. Pourvu qu'on la laissât seule errer dans son beau jardin, elle ne se plaignait jamais. C'était une âme naïve, qui jamais ne s'était élevée même jusqu'à juger son mari et à s'avouer qu'il l'ennuyait. Elle supposait, sans se le dire, qu'entre mari et femme, il n'y avait pas plus de douce relation. Elle aimait surtout monsieur de Rênal quand il lui parlait de ses projets sur leurs enfants, dont il destinait l'un à l'épée, le second à la magistrature et le troisième à l'église. En somme, elle trouvait monsieur de Rênal beaucoup moins ennuyeux que tous les hommes de sa connaissance. Ce jugement conjugal était raisonnable. Le maire de Verrières devait une réputation d'esprit et surtout de bon ton à une demi-douzaine de plaisanteries dont il avait hérité d'un oncle. Comme il était d'ailleurs fort poli, excepté lorsqu'il parlait d'argent, il passait, avec raison, pour le personnage le plus aristocratique de Verrières.